Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous proposons un épisode tout particulier. Lors du Nantes International, nous nous sommes associés à Parlons Bad, un autre podcast badminton, pour réaliser une interview d'Alex Lanier qui sortait tout juste de sa finale gagnée face à Pablo Abian. Esteban, Matteo, Benoît et moi avons eu la chance de pouvoir lui parler pendant quasiment une heure et on a donc réalisé une interview à mi-chemin entre notre concept habituel et celui de Parlons Bad. On a parlé avec Alex de sa semaine à Nantes, sa défaite contre Joachim Oldorf au championnat d'Europe ou encore de son admiration pour Anders Antonsen, mais il a aussi donné des conseils pouvant être utiles à des joueurs de badminton de tout niveau. L'interview d'Alex Lanier avec Parlons Bad, c'est tout de suite dans ce nouvel épisode de 21 Shuttle. Badminton at its very, very best. My goodness me. What a rally. Oh, sensational. I'm the bad guy. Take that. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le podcast Parlons Bad, mais un épisode spécial aujourd'hui puisque nous sommes accompagnés de 21 Shuttle. Je voulais vous présenter les garçons. Bah, salut Esteban, merci de nous avoir. Donc moi c'est Ewan et j'anime 21 Shuttle avec Benoît, que voici. Salut à tous les trois les gars et merci pour l'invitation. À mes côtés, Matteo. Voilà, salut les gars, podcast. Salut tout le monde. Salut Alexis n'est pas présent et nous avons du coup pour cet épisode spécial un invité spécial qui est Alex Lanier. Bonjour Alex. Salut tout le monde, salut, ça fait plaisir d'être là. Voilà, donc on sort du Nantes International Challenge où du coup tu as remporté ta finale. Est-ce que tu veux te présenter un peu aux auditeurs pour ceux qui ne te connaissent pas, parce qu'il y en a peut-être qui ne te connaissent pas. Ouais, je m'appelle Alex Lanier, j'ai 19 ans maintenant. Je suis licencié au club de Strasbourg, mais j'ai commencé dans un petit club à Dives-sur-Mer. J'évolue sur la scène internationale, je fais des tournois internationaux. Maintenant, je dois être 39e mondial aussi. Et ça doit être tout. Troisième français actuellement. Troisième français, ouais, aussi. Ouais. Alors, le concept du podcast, pour ceux qui nous rejoignent sur cet épisode spécial, donc on va mélanger un peu les deux. Donc, il y a de l'actu, puisqu'on est directement sur la semaine du Nantes International Challenge. Et il y aura du coup des questions qu'on a prévues avec l'équipe, voilà, donc pour poser à Alex et pour pouvoir débattre avec lui finalement. Est-ce qu'on commence directement ? On est sur un format un peu spécial, donc je pense qu'on va commencer direct avec les questions. Est-ce qu'il y a un d'entre vous qui a une question à poser à Alex pour commencer et on va pouvoir dérouler ensuite ? Bah, peut-être un peu général sur ta semaine. Tu n'as pas perdu de set. On t'a vu assez, avec une marge assez suffisante sur tes adversaires. Comment toi tu te juges ? C'est vrai que ces derniers temps, nous, avec Benoît, on se disait qu'on ne savait pas trop à quoi s'attendre parce que physiquement, on ne savait pas comment tu serais. Par exemple, toi, comment tu t'es senti sur le terrain finalement ? Parce que nous, de l'extérieur, on s'est dit bah, vachement bien quand même. Je dirais qu'avant Nantes et juste après aussi les championnats d'Europe, on a un peu entamé une période, on va dire, d'entraînement où on s'est vraiment donné. Et on a travaillé aussi un peu sur le physique. Enfin, on a travaillé un peu les secteurs où j'étais peut-être un peu plus faible. Et je dirais que même moi, avant Nantes, j'étais pas forcément dans les meilleures conditions. Enfin, j'avais l'impression d'être peut-être un peu fatigué d'être pas au top de ma forme et d'arriver à ce qui est souvent normal après une grosse période d'entraînement. Donc c'était un peu aussi un inconnu, mais en même temps je suis arrivé sur Nantes et j'ai voulu essayer de faire de mon maximum et peut-être aussi changer, essayer de nouveaux styles de jeu, être peut-être plus calme aussi sur le terrain, ce qui m'a permis peut-être des fois d'avoir besoin d'accélérer au bon moment, ce qui est un peu... On va dire peut-être un changement et essayer de nouvelles choses pour essayer de s'économiser aussi et que mon jeu devienne un peu moins physique. Et on va dire que j'ai des qualités physiques et savoir les utiliser au bon moment, c'est aussi important. Notamment sur ta demi-finale contre Oldorf. Ouais. Du coup, tu perdais 15-9, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et là, j'ai senti en regardant le match que tu as accéléré. On va dire que je jouais les bons coups, je faisais les bonnes choses tactiques, mais que l'exécution n'était pas forcément là. C'était plus au niveau de la précision, j'ai mis 2-3 smash out, mes lobes étaient d'une qualité un peu moindre qu'avant peut-être, donc ça a fait la différence. Et une fois que j'ai réussi à mettre la tactique plus la qualité technique et la qualité dans les frappes, ça a changé aussi pas mal de choses, plus le fait que... Aussi physiquement, j'ai réussi à rester fort et à pas donner de points faciles. Et donc, ça l'a aussi un peu perturbé. Et moi, ça m'a donné de la confiance aussi. Parce que ouais. pour rappeler aux auditeurs, tu avais affronté du coup Joachim à deux reprises. Ouais. Une fois aux Jeux européens où tu t'étais incliné. Et la deuxième fois à l'Open du Luxembourg où tu l'avais battu. C'est ça. Est-ce que du coup, tu avais abordé le match ? Comment on aborde un match ce match-là, comment on l'aborde finalement face à un adversaire qui t'a déjà battu une fois et que t'as battu récemment? C'est jamais facile parce que Joachim, c'est un peu un adversaire un peu particulier. Je l'ai joué pas mal de fois aussi, même quand j'étais plus jeune, et j'ai toujours gagné, sauf je l'avais affronté championnat d'Europe U19 et je perds en quart justement, il chope la médaille aussi. Et après, je l'affronte aux Europes seniors et là, il chope la médaille aussi. Donc, c'est un adversaire un peu particulier. Pour moi, il me rappelle souvent de très mauvais souvenirs et c'est vraiment difficile d'aborder ce match contre lui. Je pense que là, j'ai essayé un peu de jouer mon jeu et trouver aussi, on a essayé de trouver des solutions pour que mentalement aussi, j'arrive sur le terrain beaucoup plus serein et beaucoup plus, on va dire, équilibré mentalement, j'ai envie de dire. Est-ce que tu dirais que, bon, on a un peu regardé ta semaine, mais au-delà du passif qu'il y a avec Joachim Oldorf, est-ce que tu dirais que c'est le plus gros test que tu pouvais avoir cette semaine et de manière générale sur un International Challenge? C'est quand même, vous êtes quand même deux joueurs qu'on ne verra pas très longtemps sur ce type de tournoi, on peut imaginer. J'ai envie de dire oui et non, dans le sens où il y a des adversaires que j'aurais jugé peut-être plus forts avant le tournoi, mais qui malheureusement ont perdu. Je pense à Arnaud, forcément. Je pense aussi à Mats Christoffersen. Je pense aussi à Kaljou, qui aurait pu aussi. Mais du coup, au vu du scénario, c'est sûr que Joachim, c'était quand même déjà mentalement un adversaire qui est peut-être plus dur que les autres. Et aussi, c'est un adversaire qui est dangereux. Il a bien progressé et il devient de plus en plus fort. Donc, c'est plus un joueur lambda non plus, on va dire. Donc, c'est toujours un danger de le jouer et il fallait se préparer aussi. Est-ce que quand, parce que je pense aussi, il y a des gens où ça leur arrive, même à bas niveau, ou même à niveau un peu plus inférieur, le fait d'affronter quelqu'un que tu as déjà joué, est-ce que quand tu as appris que tu l'affrontais après son quart de finale, tu t'es direct conditionné pour ce match-là en mode je vais affronter ce gars-là avec ton coach? Ou alors, t'as essayé d'aborder le match comme les autres? Je dirais honnêtement que j'ai essayé de rien changer de spécial. Enfin, c'était pas juste d'essayer... En fait, sur les matchs d'avant aussi, j'arrivais avec une position un peu de leader, le mec qui doit gagner aussi. Donc, j'ai essayé aussi d'arriver serein et d'avoir confiance en mon niveau. Je savais que j'étais capable d'avoir un bon niveau. Donc, j'ai essayé de réitérer contre lui et de faire... exactement la même chose, j'ai pas fait plus ni moins, je dirais mentalement, enfin pas, j'ai pas fait un effort, je connaissais déjà ce joueur, je connais ses faiblesses et ses points forts aussi, donc j'ai pas fait quelque chose de spécial, je dirais que je suis juste resté concentré, c'est à peu près tout. Et sur ta finale, je me demandais, là pour le coup t'as joué un mec au profil totalement différent de Oldorf ou même de toi, un mec qui a 20 ans de plus que toi, ouais. On se faisait la réflexion qu'il avait joué des finales contre Navikas, ton entraîneur, il y a bien longtemps, et c'est un mec qui fait le show, qui arrive à faire sortir ses adversaires de son match, on l'a vu contre Dubovenko en demi, est-ce que, voilà, comment tu l'as vu, il ralentit pas mal le jeu, est-ce que tu t'es un peu... protégé contre ce genre de truc en mode il va tenter des trucs, je le sais, et moi il faut que je reste dans mon match? Ouais, évidemment, contre lui, faut être à peu près. Pablo, il essaie un peu de faire le show, c'est un joueur un peu spécial. Je pense que j'ai aussi un peu l'expérience de Kisutsi derrière moi. Il l'a affronté, je crois qu'il a perdu aux Europes contre lui, mais il a gagné au jeu contre lui. Donc il a aussi une expérience contre Pablo et on sait tous les deux que c'est un peu, nous, ce qu'on appelle un peu un roublard, quoi. C'est quelqu'un, oui. Il est là et des fois il fait un peu semblant d'être fatigué ou de ralentir et tu sens que par contre il a la hargne et que de temps en temps il peut avoir des petites accélérations. Donc faut être aussi prêt à ça, faut savoir que ouais, quand on est devant au score, il peut essayer de tenter des choses. Mais là je pense qu'aujourd'hui j'étais peut-être trop au-dessus et gérais à peu près bien mon match aussi. Je sentais que ça allait pas m'affecter aujourd'hui, quoi. Donc. On a beaucoup parlé de Joachim Oldorf parce que forcément c'était peut-être ton gros test de cette semaine, tu l'as dit, mais on se posait une question parce que sur des International Challenge, t'es amené à jouer parfois deux matchs sur une journée, ce qui n'arrive pas sur le World Tour. Ouais. Comment t'abordes ces journées-là, toi? Évidemment, c'est quand même un scénario qui est quand même assez différent de ce qu'on a l'habitude. Après, je dirais aussi qu'à l'entraînement, on s'entraîne toujours le matin et aussi l'après-midi. Donc on est peut-être aussi un peu... entraîné à faire ça. Évidemment, si on veut atteindre les meilleurs et le World Tour, on est obligé de passer par ça. Donc, on a fait beaucoup d'entraînements comme ça, où des fois, limite, on mettait pas beaucoup de temps de pause entre le premier entraînement, le deuxième entraînement, des fois peut-être juste 3 heures, ce qui paraît pas beaucoup et qui est pas forcément très bien, je dirais, peut-être des fois pour la santé, mais on est obligé de s'entraîner et de se conditionner parce qu'en en tournoi comme ça, on ne sait pas trop ce qui peut se passer. Ça arrive des fois de faire des gros 3 sets le premier jour et d'après, 3 heures après, même des fois, j'ai eu 2 heures après jouer un autre match. Donc c'est aussi, je dirais, ce qui est vraiment dur dans les challenges, c'est tenir aussi physiquement, réussir à les matchs faciles. Ou ceux qu'on doit gagner en 2-7, réussir à les finir en 2-7, ce qui est vraiment très important, peut-être plus important que sur le World Tour, où là, on a un peu plus de temps. Ouais, qu'est-ce qui est le plus dur entre ces International Challenge, où tu peux jouer 2 matchs en un jour, ou le World Tour, où tu vas jouer des adversaires plus forts, donc le match va être plus compliqué physiquement, mais t'as qu'un match par jour? J'aurais quand même tendance à dire le World Tour, hein, honnêtement, parce que... Physiquement, ouais, en fait, c'est... Physiquement, c'est peut-être autant éprouvant, je dirais. Après, je dirais que c'est l'aspect aussi mental, où sur le World Tour, le niveau il est tellement serré qu'on est obligé aussi mentalement d'être vraiment engagé, d'avoir une concentration qui est au max, en fait. Et ça use vraiment de l'énergie. C'est vraiment difficile aussi, jour après jour, de garder cette concentration mentale, en fait. Même physiquement, des fois, on arrive à tenir. On peut tenir, on peut aller en quart, on peut aller en demi, on peut faire 4 jours d'affilée en jouant un gros niveau. Mais des fois, mentalement, c'est beaucoup plus dur de se pousser ou même de garder la qualité dans les trajectoires, garder cette concentration à ne pas donner de points faciles parce que l'autre, souvent, à ce niveau-là, il n'en donnera pas non plus. Donc, c'est un effort supplémentaire à faire qui est peut-être pas forcément là, en tout cas plus forcément là. Nous, quand on va sur, quand moi je retourne sur les challenges où des fois je peux faire un peu plus de fautes, mais je sais que après, si je joue mon jeu, j'arriverai à rattraper les petites erreurs ou alors mon adversaire, au bout d'un moment, il craquera et il me donnera des points. Ce qui n'est pas forcément le cas sur, même presque jamais le cas sur les mecs du World Tour. Donc c'est ça aussi la grosse différence. I'm the bad guy. Take that! On parlait de mental. On avait abordé la question tout à l'heure en interview, mais là on va la reprendre. Le public, ça te pousse ou justement t'essaies de... On en parlait dans un épisode précédent, de jouer avec le public ou pas. Ouais. Est-ce que du coup tu l'utilises, ce public, ou t'essaies de faire abstraction? Moi j'essaie surtout de l'utiliser, mais pas forcément... Enfin j'essaie de plus en plus de moins jouer avec, je veux dire dans le sens à pas forcément le chauffer ou ce genre de choses, rester... bien concentré moi dans mon match, mais je sais que le public m'apporte de l'énergie et je prends cette énergie comme ça plutôt que d'essayer de jouer avec eux, et dans ce cas-là j'ai l'impression que ça me sort un peu plus du match, un peu plus de la tactique aussi, et ouais, c'est un peu comme ça que je l'aborde, vraiment d'un support derrière moi et pas forcément de quelque chose avec lequel je dois jouer et je dois m'amuser avec. Je pense que c'est aussi un peu une mentalité que j'ai pas toujours eu, ça c'est sûr. J'ai longtemps aussi joué avec, et c'est ce qu'on a envie de faire aussi quand on est à domicile, honnêtement. Donc c'est ouais, j'essaie encore de tenter différentes stratégies aussi, et pour l'instant ça a l'air d'être la bonne, et ouais, c'est ça qui marche. Mathéo, dans un podcast tu parlais d'être à 150% quand t'as le public. Ouais. Est-ce que du coup tu confirmes ce que dit Alex? Ouais, mais après moi c'est ce que je disais dans l'épisode précédent, c'est que ça dépend du joueur. Je pense que ça dépend de... Alex, il sent mieux quand il essaie de faire abstraction ou pas de jouer avec le public, bah qu'il le fasse, tu vois. Mais moi je sens mieux quand je prends le public avec moi, donc je le fais. Mais après j'ai l'impression aussi que ça dépend au joueur de simple, joueur de double. Je pense que les joueurs de double ils sont plus amenés à jouer avec le public qu'un joueur de simple qui, je pense, tactiquement... Ça doit être beaucoup, tu dois être beaucoup plus concentré pour appliquer la tactique. Il n'y a pas de tactique en double, on le sait tous. Non, mais bon, le double, j'ai l'impression que c'est quand même, tu sais, il y a plus de, c'est de la vitesse, c'est du, tu vois, et j'ai l'impression que ça fait plus showman. Alex, non. J'imagine que, enfin, le public, t'as dû jouer dans des grosses salles, t'as joué en Indonésie et tout. Enfin, ouais. Je pense que le public, par exemple, cette semaine à Nantes, ça doit être quand même un niveau bien différent. Tu dois être habitué à des trucs où genre tu peux même pas entendre ce qui se passe en face de toi, quoi. J'imagine. Ouais, j'ai déjà joué des tournois où t'entends vraiment plus le bruit du volant, et ça c'est pas forcément agréable à jouer. On parle de l'Indonésie, mais honnêtement, par exemple, les championnats de France, le top 12, les playoffs, il y a eu un moment en début de journée où ils avaient ramené tous les enfants et là c'était vraiment c'était insupportable quoi, c'était quand tu joues et que t'entends des cris partout et que t'entends on n'entendait plus, c'est vraiment compliqué, c'est pas facile à gérer non plus, donc je dirais que ouais, faut savoir jouer aussi avec. Et après je peux rebondir aussi sur ce que t'as dit sur les joueurs de double, je dirais aussi qui comment dire ça, c'est je dirais que physiquement en fait ils ont les nerfs qui travaillent plus et qui sont peut-être mentalement ils sont plus limite peut-être dedans que nous. Je veux dire il y a beaucoup plus de détails dans le service, troisième coup, les petits jeux vraiment où il faut de la précision, faut vraiment être nerveusement là en fait. Ils sont plus tendus, ouais, je pense. Ouais, peut-être plus tendus aussi, c'est ça. Mais par contre, à l'inverse, je dirais que physiquement, ils font moins de gros déplacements, donc c'est moins demandant. C'est pour ça aussi qu'on voit des joueurs faire du double homme et du double mixte. On a moins souvent l'impression aussi qu'un joueur de double, il va perdre parce qu'il est fatigué dans la compète ou parce que ouais, les efforts commencent à être durs. Ça, c'est un détail qui est quand même assez important. Mais après, des fois, ouais, ils ont plus tendance à perdre des matchs parce que mentalement, ils sont vraiment à cran, ils sont un peu plus là que nous. Et je dirais que ouais, c'est vraiment eux les premiers coups qui sont extrêmement importants. Alors que nous, des fois, on peut les laisser passer, on peut être moins attentif sur ce côté-là. Ouais, ok. Après, ça peut être aussi une façon de relâcher la pression, du coup, quelqu'un qui est aussi, très tendu, il relâche la pression avec le public. Oui, c'est ça aussi, il y en a justement, je pense un peu des fois à mon ami Tom Jiquel aussi, je le vois, qui aime bien s'enflammer avec le public, lui c'est aussi un gars qui est vachement dans l'émotion et qui aime bien jouer de ça, et je pense que lui ça lui convient très bien, enfin, c'est là qu'il chope son énergie, ça dépend aussi des profils, moi je sais que ça marche peut-être un peu moins, je préfère rester un peu plus calme, et ça dépend aussi du profil, de si tu fais du simple, du double évidemment, mais c'est en premier, oui, du profil, et si le joueur sent que ça lui apporte quelque chose, jouer avec le public. Bon, on l'a vu avec Tom ces derniers temps, ils avaient du mal et ils ont joué aux IFB devant leur public et ils ont joué leur meilleur bad depuis des mois. Donc, ouais, ça les transcende, hein. Honnêtement, c'est vraiment une qualité chez eux, et même chez Tom, de réussir à jouer avec le public, ça le... Ouais, même ailleurs sur la ligue, je me rappelle aux Europes par équipe, il avait aussi joué avec le public était en feu aussi, et avec Tommy, ils avaient fait un double homme de folie aussi, donc pour lui, ça marche vraiment bien, et je pense que c'est un truc qu'il doit reproduire aussi. Bah, juste pour rebondir sur toi et ce que tu disais, je pensais à Kento Momota quand tu étais en train de parler, parce qu'au début de sa carrière, on se faisait la remarque que c'était un joueur pas lisse, parce que je pense pas que ce soit le mot, mais tu sais, il exprimait rien, et c'est venu avec le temps, très tard, de commencer à jouer avec le public, et je trouvais que c'était super intéressant pour faire la comparaison avec toi, du fait que en fait il y a des joueurs, je pense, qui se nourrissaient lui aussi quand il allait jouer au Japon, mais il n'avait pas besoin de montrer au public qu'il se nourrissait de ça, alors que pourtant bah, c'était le cas, parce que tu l'as dit tout à l'heure en interview dans la salle, mais t'as pas besoin d'être exubérant dans ce que tu montres pour dire que tu t'en nourris. Ouais, complètement. Et je dirais même... En général aussi, les Asiatiques, ils sont quand même aussi un peu plus dans ce contrôle aussi. Surtout, je dirais, surtout les joueurs de simple, où on a vu pas mal de fois les Chen Long, les Lindan, Li Chongwei, avoir zéro émotion, ou alors pas forcément célébrer quand ils marquent un gros point, mais par contre, quand ils gagnent le match ou quand ils sont à la fin, là par contre, ça explose, quoi. Donc c'est aussi une force pour certains de rester vraiment calme. T'as au contraire un Axel Sen qui des fois est beaucoup plus nerveux, qui lui va crier beaucoup plus de fois. Anton Sen aussi, c'est un peu le même genre de comportement. Donc ouais, ça dépend énormément de la culture aussi et du joueur. Tu penses que c'est un truc plus européen de célébrer avec le public? Honnêtement, c'est dur à dire, hein, parce que t'as aussi... Ouais, c'est ça, t'as aussi les Indonésiens qui eux... aime bien jouer un peu, être à la limite aussi un peu faire du fair play show. Des fois, faire le show, ouais, c'est ça. Mais en même temps, j'ai envie de dire, si je regarde les joueurs de simple indonésien, je vois rarement quand même un Christie ou un Ginting faire le show ou être vraiment en train de sur-célébrer. Enfin, c'est aussi peut-être une caractéristique un peu du simple homme, mais après, t'as aussi les Danois qui contredisent ça, t'as les Espagnols aussi, Abian, il contredit ça, Carolina aussi, elle contredit un peu ça, donc c'est... Ouais, c'est... quelque chose peut-être d'un peu plus européen, mais tu as quand même des exceptions chez les Asiatiques. Ils aiment bien aussi faire le show, quoi. Est-ce qu'il y a des joueurs qui, du simple homme actuel qui t'inspirent un peu dans de ce côté-là, où tu te dis, lui, dans la gestion des matchs, dans la gestion des émotions, c'est vraiment ce que j'aimerais être parce qu'il est très fort là-dedans? Je dirais plus en termes de gestion des émotions. Je ne sais pas si je prends... Il y a des joueurs qui sont très solides au niveau des émotions. Je pense à Axelsen. Après, Axelsen, c'est un peu moins le cas maintenant, mais... Mais il y a aussi Antonsen, j'ai pas mal regardé, mais Antonsen, c'est plus pour le côté tactique et plus pour sa manière de jouer, plutôt que des fois son comportement, où je trouve que des fois il est un peu trop, il en perd des fois son bad à être trop agressif et à peut-être monter trop au filet. Enfin, nous, en anglais, on dit un peu over-committing. Ouais. Je sais pas trop en français comment non, on peut ça, le... c'est qu'il prend trop d'options un peu. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais, c'est à peu près ça. Il en fait trop, quoi. Il en fait trop, c'est ça. Ouais. C'est ça. Après, il a des bons côtés aussi que moi j'adore, et son côté vision de jeu, voir aussi tendre des pièges, ça j'adore. T'as aussi, t'avais aussi, je trouve, par exemple Lee Chong-wei qui sont vraiment. Il est vraiment aussi solide, et tu sens aussi que mentalement. Bon, après, je ne parlerai pas de ses. Qu'il n'a pas réussi à gagner de titre de champion du L'éternel monde. L'éternel second. C'est ça. Mais je pense qu'après, il est resté quand même un des plus consistants au monde, et ça a été un des meilleurs au monde. Donc, faut aussi mentalement rester à ce niveau-là. C'est sincèrement impressionnant aussi. Donc, il y a des choses à prendre. Bah là on parle des joueurs, et le tout premier épisode de Parle en bas, ça m'a rappelé, on avait parlé des joueurs préférés qu'on avait. Est-ce que toi t'as un joueur préféré, et surtout pourquoi? Parce que on peut avoir un joueur préféré, nous on en avait cité deux par personne. Un pour juste la classe et la technique, ouais. Et l'autre pour se référer en termes de point de vue. Par exemple, pour moi c'était Axelsen et Lizdia. Okay. Lizdia pour le spectacle, Axelsen parce que je fais la même taille que lui, et du coup j'ai envie d'exploiter cette taille. Okay. Voilà. Donc toi, qui sont tes joueurs préférés? Moi j'ai toujours été, même quand j'étais petit, fan de Lindan, sa manière de jouer un peu, on va dire. Bon, après je l'ai vu surtout en fin de carrière, donc j'ai vu surtout ce côté là de Lindan un peu nonchalant, où il contrôlait énormément le volant. Il avait une technique où tu sais pas où ça part, et c'est vraiment, j'ai envie de dire que en fait il est tout en contrôle, et que l'autre en face, il a juste à attendre en fait, parce qu'il sait pas ce que Lindan va faire. Et même son jeu d'anticipation, de contrôle du volant, qui était vraiment exceptionnel, c'est là qu'il a réussi à faire la différence. Et bon, malheureusement, je ne suis pas gaucher, donc... Mais bon, je peux que essayer de faire la même chose en tant que droitier aussi. Je crois qu'il y avait des gens qui inversaient ces vidéos pour les mettre à l'autre sens. Je ne sais pas si ça peut marcher, mais ça peut être un peu bizarre, je pense. Ok, donc Lindan. Ouais, Lindan, pas mal. Et comme je l'ai dit aussi, j'ai regardé pas mal Antonsen certain nombre de fois pour ce côté un peu tactique, poser des pièges un peu partout sur le terrain et voir un peu. Et ouais, vraiment le côté tactique, sa vision du jeu, c'est vraiment un truc qui me plaît énormément chez lui. Même s'il y a d'autres côtés de sa personnalité que j'aime pas du tout, mais ouais, ça je prends en exemple. Et après, évidemment, il y a d'autres joueurs... où j'aime bien en fait certaines parties de leur jeu. Je pense à Christy par exemple aussi, où c'est très fluide. Je vais dire qu'il ressemble vachement aussi un peu à Lindan, quoi. Ça reste au sol vachement, ça joue beaucoup avec la main. C'est vraiment un jeu fluide. On aime voir jouer Christy. Enfin, c'est quelqu'un qui joue et qui est beau à voir jouer. Donc c'est beau et en plus efficace. Donc c'est un de mes exemples aussi. Ouais, ouais, je suis content de t'entendre parler d'Antonsen, parce que je rebondis là-dessus, parce qu'avec Benoît, on s'est plusieurs fois fait la réflexion que c'était un des joueurs les plus intelligents du circuit. Et c'est vrai que c'est pas forcément le plus spectaculaire à regarder, surtout pour les gens qui connaissent moins le bad. Je pense qu'ils kifferont plus regarder un Christy ou un Axelsen, mais c'est vrai que en tant que joueur, j'imagine que ouais, pour toi, il doit avoir beaucoup à en retirer, parce que franchement, j'ai en mémoire son match contre Arnaud, c'est au championnat d'Europe. Oui, championnat d'Europe, où il fait 26-24. Voilà, où c'était un match de fou, où ouais. Les deux ont un niveau de dingue, et franchement, il est toujours passionnant à regarder, je trouve, Antonsen, et à décortiquer son jeu un peu, et pourquoi il fait les coups qu'il fait, je suis totalement d'accord. Ouais, Antonsen, c'est quand même en fait, c'est un jeu qui est assez particulier. On va dire que peut-être des fois, quand on est amateur, ou alors même à niveau moindre, on va pas forcément comprendre son jeu, ou alors peut-être pas réussir à comprendre toutes ses décisions, on va dire. Mais nous, à un niveau plus élevé, on voit quand même que tous les coups sont réfléchis. Il a quand même... Il joue un coup, hop, il prend une option, il tend des pièges un peu partout. Enfin, c'est vraiment des petits détails qu'on peut voir, nous, avec nos yeux. Et donc, c'est vraiment aussi un beau spectacle à voir. Même si, comme je l'ai dit, des fois, je trouve que peut-être émotionnellement, des fois, il en perd un peu là-dessus, à être trop agressif, faire beaucoup trop. Et donc, du coup, il en perd ce jeu un peu de patience et de contrôle du terrain où il essaie vraiment de finir beaucoup trop vite. Mais sinon, il y a beaucoup de choses à apprendre chez Antonsen. Tu l'as joué déjà ? Tu l'as joué une fois, non ? Je l'ai joué une fois. Ah ouais. Une fois dans ma vie. Et c'est une victoire. J'en suis un peu fier. Franchement, faut plus que tu le croises tout de suite. Tu gardes ouais, c'est sur 1-0 jusqu'au bout. Bon, après, c'est lui qui doit plus me croiser. En fait. C'est vrai, t'as raison. Tu parlais d'aimer le jeu d'Antonsen, de décortiquer son jeu. On en parlait aussi dans un épisode précédent. On va beaucoup faire de liens, ça va être cool, de comment on analysait un match. On avait chacun notre vision, Mathéo, Alexis et moi. Comment toi, est-ce que tu te poses, je suppose, pour analyser des matchs? Comment est-ce que toi, tu vois la chose? Comment est-ce que toi, tu l'entreprends, cette analyse? On va dire qu'il y a deux situations. Il y a des fois où je regarde des matchs un peu en tant que spectateur, où je suis concentré, mais je vois des trucs un peu naturellement, mais je décortique pas, quoi. Un peu en tant que spectateur. Et après, il y a des fois, même avant les matchs, quand je joue un joueur, où je regarde un peu, il y a différents secteurs. J'aime bien regarder aussi un peu ses patterns, les coups qu'il a envie de faire et aussi un peu ceux qui peuvent être surprenants. Je veux dire, les forces, mais aussi un peu les faiblesses. C'est important aussi, des fois, moi, je me considère aussi comme un joueur qui peut tendre des pièges. Donc, des fois, c'est aussi important de mettre son adversaire dans les meilleures conditions parce que tu sais qu'il va jouer à cet endroit-là, en fait. Et donc, c'est aussi important de regarder là où il est fort et là où il peut te faire mal pour justement essayer de contrer cette force. Après, il y a d'autres secteurs aussi, le service et surtout le retour suivant le service que tu lui proposes. Ça, c'est aussi important pour nous de réussir aussi, même si ce n'est pas du double, dans les trois premiers coups, quatre premiers coups, si on peut prendre un avantage net ou alors faire mal, des fois à court terme ça marche et des fois à long terme, ça nous permet d'user l'autre aussi. J'ai envie de rebondir sur ce que tu as dit, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, mettre l'adversaire dans les meilleures conditions pour justement s'attendre au coup qu'il va faire. Ça, c'est quelque chose qui est faisable quand on a déjà vu l'adversaire. Mais du coup, quand on est à un niveau moindre, on n'a jamais joué l'adversaire, est-ce que du coup on utilise par exemple le premier set pour voir quel coup l'adversaire a envie de faire et derrière reproduire ce schéma pour changer l'option qu'on prend quand l'adversaire fait ce coup? J'aurais tendance à un niveau un peu inférieur, ou même moi quand j'ai joué qu'une seule fois le mec, Bon, après, ça dépend de la personne et du niveau d'adaptation. Je dirais qu'un set, c'est un peu long. Ça commence à être un peu trop long, mais ouais, il y a au moins les... Je dirais que c'est quand même important de commencer par toi-même, essayer de jouer ton jeu et d'imposer un peu ton style de jeu, faire mal à l'autre avant de vraiment lui dire « Ok, bon, bah là, je vais aller sur ton terrain et je vais te montrer que je peux jouer... ton jeu ou alors que je vais te mettre dans des bonnes conditions pour te contrer. » Je pense que c'est peut-être plus important de faire mal d'abord. Mettre en place ses forces avant de trouver les faiblesses de l'adversaire. Ouais, okay. C'est en tout cas la stratégie que j'adopterais sur un match contre un mec que j'ai joué ou alors, enfin c'est la première fois que je le joue, je l'ai jamais joué, je l'ai jamais vu jouer quoi. Et c'est souvent ça, c'est souvent le cas dans les tournois, enfin en tout cas dans les tournois D, P ou R, où en fait bah, quand t'arrives, t'es nouveau dans les tableaux etc, bah, t'as jamais rencontré les gars, ouais. C'est la première fois que tu les joues. Là par exemple sur les trois derniers tournois que j'ai fait, j'ai joué que des gars que j'avais jamais joué. Ouais. Donc bah quand t'arrives sur des mecs comme ça, t'es obligé d'analyser un peu comment ils jouent, c'est nouveau. Donc ouais, ok. Donc toi tu prendrais. C'est sûr que c'est nouveau, ouais, mais je prendrais quand même un peu. Bah je dirais que c'est plus important de prendre les devants et de direct installer son jeu plutôt que le laisser jouer son jeu et d'après contrer. C'est une approche un peu plus risquée, je dirais quand même. Ça va aussi avec certains de vos épisodes, les gars, de par l'embade, mais je trouve hyper intéressant ce que dit Alex parce que ça va plus loin, je pense, que notre niveau à tous les quatre. Oui. Le fait de tendre des pièges, c'est très lié aussi à ce que tu dis, de laisser l'autre s'installer et de le mettre dans les meilleures conditions. Je vais pas dire que c'est inimaginable à nos niveaux respectifs, ouais, mais c'est un compliqué. Truc auquel on pense jamais en fait. Ouais. Enfin, c'est pas, on se dit pas, on va le laisser s'installer pour le mettre dans les bonnes conditions et lui tendre des pièges. C'est vraiment un truc. Et je pense que même en vrai, sans aller très loin, jusqu'à N3, en France comme classement, ouais. Je pense que c'est il y a peu de mecs qui réfléchissent comme ça. Honnêtement, même jusqu'à N1, ouais, ça va voilà. Jusqu'à N1. J'ai pas voulu froisser des N2. Honnêtement, tu peux le dire, ça va jusqu'à N1, c'est quand même une c'est un peu une philosophie qui est quand même je dirais assez risqué, même j'ai envie de dire même les mecs du top 20 français enfin c'est vraiment il y a pas tout le monde qui peut faire ça ou alors qui va on va dire prendre le risque et un peu se dire bon bah ok là je fais ça enfin bah, c'est un peu je vais pas dire si tu le fais très bien ça fonctionne très bien mais par contre si tu le rates et que tu le mets dans les meilleures conditions le mec il te défonce c'est pas une chose à faire à tous les points on va dire. À notre niveau quand même on a tendance à éviter les forces de l'adversaire c'est à dire qu'on voit, on voit que le gars est fort sur un coup. C'est complètement logique même moi j'ai tendance à éviter là où est fort le mec mais c'est une fois de temps en temps et c'est le truc qui peut des fois te faire gagner un match ou alors je sais pas au lieu de mettre un 3-0 à l'adversaire bah tu lui mets un 7-0 parce que t'as joué 3 points où t'as été solide, t'as joué ton jeu et après pendant 2 points tu lui as tendu que des pièges et le mec est rentré dedans. Mmh. Donc t'as mis un 5-0 et après bah t'es en confiance et l'autre il est plus en confiance quoi. Petite question, entre deux matchs, parce que du coup tu commences ton tournoi, bah tu sais pas qui tu vas affronter dans 2 tours tu vois. Ouais. Donc entre tu viens de gagner ton match, tu sais l'adversaire que tu vas affronter. Du coup, tu fais quoi ? Tu commences direct à analyser des matchs ? Je dirais que quand on est sur un match par jour, on a beaucoup plus de temps et donc on peut le faire soit le matin, soit en soirée, enfin être tranquille et se reposer avant et après aborder le match différemment. Quand on est sur un niveau challenge, maintenant, je dirais que je commence à connaître un peu tous les mecs que je joue et aussi je connais mes forces. Et aussi comment je dois jouer pour les mettre dans des mauvaises situations. Donc des fois, nos analyses, elles vont très vite en fait. Ou en fait, ça dépend beaucoup plus de moi, de comment je vais installer mon jeu, ce que je vais faire. Et même, on peut parler aussi de tous les pièges que je vais tendre pour gagner le match. Et on va plus parler de ça que spécifiquement mon adversaire. C'est dû aussi parce que j'ai peut-être maintenant une marge sur les challenges ou les adversaires que je joue. Et aussi, même des fois, sur des adversaires plus forts, je connais directement la tactique. Si le mec, je l'ai joué beaucoup moins souvent, là, par contre, on va regarder beaucoup plus la vidéo et prendre beaucoup plus d'infos. Ok. Et tes matchs à toi, tu les revois pour changer des choses ou pour, avec ton coach, pour revenir sur des trucs que tu as bien fait ou moins bien fait ? Je dirais que je les regarde pas toujours, mais je les regarde quand même. Ça arrive souvent quand on sort du match et des fois on n'a pas forcément les réponses à pourquoi on a perdu, pourquoi là ça s'est pas bien passé. Et des fois on a besoin de regarder le match après. Et des fois on ressort du match et en fait on peut faire un débrief. Hein, je sais pourquoi j'ai perdu, je sais ce qui s'est passé au mauvais moment, je sais à peu près tout. Moi je dirais que j'ai quand même une bonne analyse de moi-même et aussi de ce qui se passe sur le jeu, c'est une de mes forces. Et en plus, Kestutis derrière moi qui a aussi une bonne analyse. Et donc à deux, on a souvent des longs dialogues un peu comme ça où on parle et on sait ce qui s'est passé. Si on est tous les deux un peu dans le flou et qu'on ne sait pas forcément, c'est là qu'on se met à re-regarder la vidéo et vraiment analyser. Et ok, on comprend, ok, ce coup, il n'était pas top, il était un peu trop mou, ce coup, il était un peu hors sujet. Enfin, c'est un peu comme ça qu'on fait souvent. Tu regardes les matchs avec qui ? Avec mon coach, souvent. T'avais une question sur le coach, il me semble. Bah, j'allais dire la transition, elle est royale vers Kestutis Navikas. On en a vite fait parler au tout début, mais plus de lui, sa carrière. On vous voit, je vais dire avec Arnaud, parce que c'est avec vous deux qu'on le voit le plus souvent. Ouais. On vous voit assez proche et on sent qu'il y a une bonne relation qui s'est créée, un truc qui marche. Qu'est-ce qui vous a apporté Kestutis ? Parce qu'on le dit pour les auditeurs de nos deux podcasts, Kestutis Navikas, il ne parle pas français ou très peu. Vous parlez en anglais et il est lituanien. Donc déjà, il y a ça. Et qu'est-ce qui vous a apporté de plus que ce que vous aviez avant ? Je dirais qu'avant, on avait déjà notre coach Maxime Michel. Lui, je dirais plus qu'il nous a apporté un peu un fond de physique. C'était vraiment un très bon préparateur physique et un très bon mec pour entraîner, je dirais. C'est quelqu'un qui nous a apporté une base solide pour arriver dans le senior. Ensuite, Kestutis, il a connu le haut niveau aussi, donc il y a des petits détails, vraiment jouer un volant et s'attendre à quelque chose d'autre, ça déjà c'est une notion qu'on n'avait pas forcément avec Arnaud et qui est très importante aussi pour atteindre le top niveau. Il y a aussi la rigueur tactique aussi qui est importante, comment jouer son adversaire et aussi même nous, comment jouer et définir notre style de jeu aussi, c'est très important. Mais aussi, je dirais, un peu humainement, c'est aussi quelqu'un qui est vraiment ouvert, quoi. C'est un gars, il aime parler, mais il aime surtout écouter, en fait. Et donc, il est très attentif. Je vais donner un exemple, mais c'est un gars, t'es dans le taxi avec lui et il va se mettre à parler avec le conducteur, mais pendant tout le trajet, pendant 45 minutes, alors que toi, des fois, tu vas être tranquille, soit tu dors, enfin, je sais pas, tu regardes une vidéo, tu regardes un truc. Lui, il adore le contact humain, donc c'est aussi un aspect qui est quand même important. Moi, je dirais que quand j'étais plus jeune, bon, je suis toujours jeune, mais j'ai été souvent quand même quelqu'un d'assez renfermé, qui j'ai du mal à aller vers les autres, enfin parce que ça me coûte de l'énergie aussi, mais parce que aussi ça a été des fois des choses un peu dures pour moi. Et d'être avec lui et de voir que ok, ce mec il ose, quoi, et bon, s'il a un problème il va demander direct, si il a un truc qui va pas il va demander direct, enfin c'est quelque chose qui aussi m'a apporté, réussir à m'ouvrir aussi, à être peut-être plus gentil avec les autres aussi, plus tolérant aussi. Et à trouver aussi les bonnes personnes au bon moment. Et c'est un peu un côté humain aussi qui nous manquait peut-être. Et ouais, Kestutis, il nous l'a apporté. Et plus sa vision du jeu et vraiment son expérience à l'international. Pour l'instant, c'est quelque chose qui marche énormément. Et je sens que j'ai confiance en lui. Il a confiance en moi. Il a confiance en Arnaud aussi. Donc ouais, ça, on va dire que sur le terrain, on marche à deux aussi. Justement, j'avais une petite relance sur comment il est sur la chaise derrière toi et toi, de ce dont tu as besoin. Est-ce que tu as besoin qu'il te rappelle la tactique? Est-ce que tu as besoin qu'il te réconforte en te disant ça va aller? Est-ce que tu as besoin qu'il te secoue un peu? Comment il est avec toi et qu'est-ce que toi, tu attends de lui? Des fois, j'ai vu que c'est toi qui lui parlais pas mal aussi. Ouais. Je dirais que sur le terrain, moi, j'ai quand même eu une analyse. Je vois très, très bien ce qui se passe. Et même quand je fais un coup qui n'est pas terrible, ou qui manque de poids, ou ça manque de vitesse, je le vois très vite en fait. Enfin, j'arrive à détecter très vite, donc directement, je viens lui parler si je sens que le coup va pas. Je vais directement lui parler et lui demander, mais je sens aussi qu'il me fait confiance sur le fait que je vois aussi ce qui va pas. Donc, et après, évidemment, si je suis perdu, maintenant c'est beaucoup mieux, je vais directement le voir et je tergiverse pas, quoi. Je lui demande qu'est-ce qu'il faut que je fasse là, ou alors donne-moi des pistes. Et donc c'est lui qui m'apporte aussi des pistes. Je dirais que on a des fois pas forcément une communication, on a une très bonne communication, mais au bon moment en fait. On parle pas tout le temps, je suis pas toujours à parler avec lui, mais ça c'est aussi dû à mon profil. Quand je regarde les matchs avec Arnaud, je vois Arnaud, il parle beaucoup plus avec lui parce que lui aussi il a besoin d'une communication plus importante. Enfin, c'est un peu, ouais, c'est en fonction du profil. Moi, j'ai pas forcément besoin de ça. Je peux aller des fois dans des détails techniques alors qu'on n'aurait pas forcément envie de faire ça le jour du tournoi sur un match, changer ta technique ou alors parler d'un détail comme ça. Et c'est quelque chose où il sait que je peux l'intégrer et je peux très vite changer. Donc, ouais, c'est quand même une communication où on se fait confiance tous les deux. S'il y a un truc qui va pas, je vais le voir. Et si lui sent que ok, j'ai besoin d'un coup en particulier pour me développer dans le futur, bah même sur des challenges là, c'est le moment où il va me le dire, quoi. Tu serais capable aujourd'hui de jouer sans coach? Parce qu'on avait aussi abordé, ouais, cette question, de jouer avec ou sans coach. Est-ce qu'on s'oblige à avoir un coach? Est-ce qu'on s'oblige à avoir quelqu'un sur la chaise? Parce que des fois, quand on est jeune, c'est la maman ou le papa qui est là et en fait, bah, ouais, ils apportent rien. Enfin, ils apportent des trucs beaucoup plus différents que de la technique et de la pratique. Ouais. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu es capable de jouer avec quelqu'un que tu es Kestutis? Ouais, honnêtement, j'ai déjà joué avec d'autres gens. Je pense au Luxembourg où j'ai joué avec Cyril Gombrowicz qui était sur la chaise. Il a fait son grand retour après de nombreuses années. En top 12 aussi, j'imagine que... Top 12 aussi, ouais. J'ai Julien, le capitaine de Strasbourg aussi, qui est derrière. Donc c'est différent aussi. Et j'irais un peu comme je l'ai dit, j'ai quand même cette faculté à pouvoir me débrouiller aussi seul et à aussi analyser très vite ce qui se passe sur le terrain. Donc en fait, des fois qu'il y a un coach ou qu'il n'y en ait pas, en fait, je peux jouer aussi tout seul, remarquer, ok, me dire putain, ce coup, il est pas terrible, ou alors c'est pas le bon choix tactique, et je le vois quand même assez vite. Donc, à l'international, pour toi, c'est obligatoire de savoir jouer sans coach ou... C'est difficile à dire. Je dirais que c'est un plus quand même de savoir jouer sans coach, dans le sens où quand tu joues avec ton coach, après, t'arrives à... Il t'apporte plus qu'un soutien moral ou plus qu'un soutien technique. Des fois, il t'apporte juste le petit truc qui te manque, même si toi, tu l'as déjà. Mmh. Et je dirais que c'est un petit plus. Après, je pense aussi qu'il y a des joueurs qui ont besoin d'un coach, qui ont besoin d'un soutien aussi. C'est encore en fonction du profil. Mais je pense aussi que tous les mecs du top 10 mondial... ils ont aussi cette capacité d'adaptation qui est quand même assez rapide, et ils ont quand même une qualité d'analyse aussi qui est quand même incroyable. Donc je pense que quand ils parlent avec leur coach, c'est vraiment quelque chose de très profond et très développé, encore plus que peut-être les autres joueurs du top 40, top 50. Okay. Quoi. Vous pratiquez le badminton tous ? Ouais, j'essaye. Ok. j'allais vous poser la question, du coup, vous aussi. Est-ce que vous arrivez à jouer sans coach? Est-ce que vous arrivez à jouer sans soutien émotionnel? Est-ce que vous arrivez à vous débrouiller tout seul? Je vous pose la question à chacun d'entre vous, hein, pour chacun répondre. Non, bah moi, juste pas du tout. Moi, je sais que j'adore avoir un coach. Moi, justement, je suis plus. Il me faut plus quelqu'un qui me secoue, tu vois. Il faut quelqu'un qui me dit, bon, allez là, t'arrêtes tes conneries et t'y vas, tu vois. Et j'aime bien avoir quelqu'un à qui me plaindre aussi. C'est très, très bien d'avoir quelqu'un où je peux me retourner et dire, vas-y, là, il a eu de la chance, tu vois. Et juste, quand il n'y a personne et que je me retourne et que la chaise, elle est vide, je me dis, ah, maintenant, c'est à moi de trouver les solutions tout seul. Et... Enfin, c'est même pas trouver les solutions, c'est juste, je vais devoir garder ma truc, tu vois. Donc c'est juste, ouais, pour avoir un soutien et quelqu'un qui me dit, bon, maintenant vas-y, t'y vas. Je trouve que j'ai besoin de l'entendre. Bah non, mais c'est intéressant ce que disait Alex, et je pense que, bon, à notre niveau, mais je vais rebondir là-dessus, parce que moi aussi j'ai eu mon père pendant très longtemps, voire peut-être trop longtemps, parce que je suis pas beaucoup plus vieux que toi, mais quand même, moi j'ai toujours eu besoin, même si tactiquement il y a un moment où il m'a porté plus grand chose, voire plus rien. Ouais. En fait, c'était juste j'avais besoin de au pause, et même pendant les échanges, enfin pas pendant les échanges mais à la fin des points, parler. Et le jour où il vient plus sur les tournois et tout, parce que bon, t'as 20 piges et t'y vas tout seul, ça fait un vide, honnêtement. Et ouais, moi j'ai vraiment toujours eu besoin d'avoir quelqu'un. Ok. Moi en simple, ouais, je manque de tactique en simple, donc ouais, j'ai besoin d'un support tactique. En double, j'aime bien, parce que j'aime bien me retourner, j'aime bien serrer le poing avec le coach. Mais tactiquement, je vais moins avoir besoin. Et en mixte, tactiquement, pareil, j'ai besoin d'un coach. C'est intéressant, parce que du coup, c'est moins un rapport humain, c'est plus un besoin de conseil sur le match et la strat à l'instant T, ouais, qu'un besoin de parler et un besoin de soutien, quoi. Ouais, carrément. Bah, surtout en simple et en mixte, parce que j'ai encore beaucoup de lacunes tactiques. Et j'ai pas, comme parlait Alex, de la concentration, tu vois, de toujours être concentré. Bah, je suis quelqu'un d'assez, surtout cette saison assez irrégulier, où pendant un match, je peux faire des gros hauts, des gros bas. Et bah, avoir un coach, c'est un peu délester aussi ce côté tactique, où c'est lui qui va te les apporter. Ouais. Et moi, entre deux points, je réfléchis plus trop, en vrai, niveau tactique. Tiens, là, qu'est-ce qui a fauté? En vrai, je peux me retourner derrière mon coach et puis lui demander, quoi. Ouais, je te rejoins carrément là-dessus. Moi, c'est surtout le côté... bah, en fait, quand je joue et qu'il y a un coach, je me dis, bah, ça, c'est de la charge mentale en moins. Mmh. C'est-à-dire que si je me retourne et que je dis, bah, là, j'arrive pas, j'ai pas de solution, et que je sais que le gars derrière moi va trouver les solutions, bah, je suis pas obligé d'y réfléchir. Sauf que du coup, quand t'arrives dans un tournoi où bah, y a personne qui a pu venir, ou t'es loin, machin... Bah, t'es obligé de te débrouiller tout seul. Et je pense que en ce moment, j'essaie de travailler sur le côté bah, jouer tout seul, etc. Là, sur les derniers tournois que j'ai fait, il y avait juste ma maman. Et en fait, j'avais surtout la maman était là juste pour. Bah, j'avais besoin de lui parler. Je lui ai dit, bah, viens sur la chaise, tu parles pas. Mais moi, je te parle et tu fais comme ça, tu acquiesces. et du coup, moi, ça me faisait trop du bien d'en parler, de m'asseoir à côté d'elle et tout pendant le point. Parce que j'avais beaucoup ce rapport au. Bah, j'avais beaucoup engueulé mes parents quand ils venaient me voir, parce que par exemple ils applaudissaient, j'étais vraiment vraiment un gamin chiant, mais ils applaudissaient sur les points d'adversaire, et moi je suis là, mais non, applaudis pas, ouais. Alors que le point était génial. Aujourd'hui j'adore applaudir sur les beaux points. J'appelle ça le gameplay bienveillance, mais on joue toujours mieux dans la bienveillance qu'en étant ultra nonchalant. Ça dépend, il y a des gens qui jouent bien mieux en étant nonchalant, mais personnellement je préfère ce côté bienveillant du jeu, et surtout notre niveau, en fait, où bah, tu peux avoir beaucoup plus de contact avec l'adversaire, c'est plus facile d'échanger des beaux points, etc. Je pense qu'on est à notre niveau en tout cas, je ne sais pas si c'est votre cas, mais quand on fait un beau point, bah, en général, on se félicite forcément. Alors qu'à haut niveau, un beau point, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit, donc tu ne te félicites pas à chaque point, j'imagine. Ouais, ça, c'est sûr, c'est sûr. Après, je dirais qu'en fait, on a un peu un respect mutuel si on a fait pendant, je sais pas, une heure et demie que des beaux points, on s'est battu pendant le match, évidemment. Jamais on va montrer à l'autre, ok. Enfin, on va lui dire, ok, j'ai du respect pour toi, mais par contre, j'ai envie de te battre, quoi. C'est ça le, okay. C'est ça le truc. Donc, on est plus, ok, on est concentré, on a envie de gagner, et on fait tout pour gagner. Mais après, une fois que le match est terminé, c'est là que on crée des fois nos meilleures amitiés, parce que justement, on sait que le mec, bah putain, il a réussi à nous tenir tête mentalement, il a été solide, enfin, il nous a mené la vie dure, et c'est, enfin, c'est vraiment un peu un sentiment bizarre. C'est le mec qui t'a fait galérer pendant une heure et demie, qui est maintenant ton meilleur pote, quoi. Donc c'est. Ah, il a gagné ton respect. Ouais, ouais, en quelque sorte. Après, même s'il y en a qui l'ont déjà avant, ouais, tu vois, mais sûr. C'est. Mais ouais, en quelque sorte, c'est plus. En fait, c'est surtout un respect dans le sens où il m'a montré que. Ok, il était fort, quoi. Donc, une fois que tu me montres ça et que tu me le prouves, bon, bah. Ok, bien joué, et voilà. Ça, c'est vrai que c'est un truc de fou. En haut niveau, c'est quand même très rare. Quand vous perdez un match, que bah, je sais pas, tu lances la raquette ou tu t'énerves juste après le match, tu vois, enfin, avant d'aller serrer la main à l'adversaire. Après, j'imagine que dans les backstage, ça doit être différent. Mais alors que toi, tu nous compares à nous, genre moi le premier, après un match perdu, je peux balancer ma raquette, tu vois. Ah ouais, alors grave. Que vous avez beaucoup plus de trucs à perdre que moi. Et ouais, ça, c'est vrai que c'est un truc qui m'impressionne et j'essaie de changer du coup là-dessus actuellement. Est-ce qu'il y a le côté carton jaune, carton rouge, amende qui peut arriver et qui est beaucoup plus important pour vous si vous prenez une sanction ou alors pour votre image? Non. Honnêtement, pas du tout. Non. Non, déjà, de un, le carton jaune, il est pas. Il sert à rien, quoi. C'est. Non, mais des fois, on prend beaucoup trop de temps et on prend carton jaune, c'est pas un problème, quoi. Enfin, on joue un peu avec les règles. Bon, évidemment, c'est pas cool forcément de prendre beaucoup trop de temps, mais des fois, si on peut gagner un match, t'es un super mille, t'es en demi, hop, prends juste une minute, enfin, 20 secondes de plus, mais après, tu gagnes ton point de match. Bah, t'as pris un carton jaune, mais bon, t'as gagné 50 000, ouais. Quoi, donc... Surtout qu'il y a des arbitres qui les mettent même pas, donc les jaunes... C'est vrai aussi, donc c'est toujours un peu la même chose. Si l'arbitre, il considère que t'es trop lent, ou alors que ton adversaire fait exprès d'aller vite, donc du coup, l'arbitre a tendance à dire que toi, t'es lent, alors que pas spécialement, finalement. Enfin, c'est un peu du jugement, donc ça, on n'est pas forcément... Enfin, on n'a pas peur du carton jaune, ni du rouge, enfin, c'est vraiment... quelque chose, mais du coup pour rebondir, ouais, je sais pas du tout pourquoi, enfin évidemment on est énervé, mais je pense qu'on a quand même un contrôle de l'émotion qui est quand même peut-être supérieur à la oui, clairement, à tous les gens, j'ai envie de dire, enfin, c'est aux joueurs du circuit traditionnel. Ouais, c'est un peu bizarre de dire ça, mais ouais. Non, mais c'est vrai. Enfin, la réalité, c'est ça. C'est que vous êtes quand même un peu à part. On a un contrôle quand même de l'émotion qui est quand même assez spécial. Et même à l'inverse, quand il y a un événement exceptionnel ou même incroyable qui arrive, on gagne un point de folie ou alors même on gagne le match, il y a des fois où on ne va pas tant célébrer que ça parce qu'on sait qu'après, ok, on a une demi à jouer le lendemain, on a une finale, on ne veut pas non plus perdre une énergie folle juste à célébrer, à être... Enfin, il y a vraiment des fois un objectif de ne pas monter trop en émotion positive, mais non plus essayer de contrôler l'émotion négative, même si on sait qu'elle est là et que bah, elle sera toujours là parce qu'on ne jouera pas tous les points parfaitement. Donc c'est évident qu'il faut gérer ça aussi. Dernière petite question avant de conclure. Tu parlais d'énergie positive. Moi, j'avais une question du coup par rapport à ça. Tes Jeux européens, tu bats Christo au premier set. Ouais. Est-ce que... Tu me rappelles un mauvais souvenir. Là. Ben on finit sur un truc typique, mais est-ce que le fait d'avoir justement, je suppose que tu as dû avoir beaucoup d'énergie positive quand tu as gagné contre Christo. Ouais. Le match d'après était compliqué. Le match encore après, tu le perds. Est-ce que tu penses que c'est lié à la victoire contre bah, un des favoris du tournoi tout de même? Ou alors. Je dirais que c'est un peu différent dans le sens où battre Christo, j'ai eu quand même une montée en émotion, c'était plutôt positif, hein, mais je dirais que j'ai pas surcélébré, enfin, c'était ok, j'avais confiance en mon niveau, on avait fait 2 semaines de prépa avant, ou même quand je jouais à Arnaud, tous les deux, on se faisait des vrais matchs, quoi. C'était vraiment, ça jouait très très bien, donc on était prêts tous les deux, donc je savais aussi que ça pouvait le faire et que j'avais le niveau suffisant pour le battre et que, ouais, tactiquement, j'ai mis en place des choses qui lui ont fait mal, en tout cas ce jour-là. Donc ça a été un gros résultat aussi pour moi, mais en même temps, c'était pas quelque chose d'exceptionnel en soi, donc ça fait partie. Après, je dirais qu'en fait, c'était plus le fait de... Normalement, je devais jouer Karadji en quart, j'étais... Et là, je me retrouve à jouer Holdorf, un gars que j'ai joué peut-être il y a 6 mois avant. J'avais gagné peut-être 10 et 10. Enfin, c'est vraiment un joueur, il arrive là, tu ne sais pas trop comment il arrive. J'avais essayé d'aborder le match de la meilleure des manières, de rester concentré, jouer mon jeu. Mais une fois arrivé sur le terrain, enfin, trop d'émotions, j'avais peur sur le terrain. Enfin, c'était vraiment un mauvais... Enfin, c'était un mauvais feeling, quoi, sur le terrain, vraiment, où on commence à voir pas grand-chose, ce qui est quand même dérangeant quand moi, je vois beaucoup de choses sur le terrain et que je ressens beaucoup de choses. Là, ce jour-là, bah, je comprenais plus rien au jeu. Mais lui, il fait la semaine de sa vie aussi, en plus. Aussi, oui, c'est sûr. Après, si je joue avec la tremblotte, ça joue aussi que je vois plus ce qui se passe, je comprends plus ce qui se passe. Temps de réaction qui sont beaucoup plus faibles, alors que j'ai des bons temps de réaction normalement. Qualité de jambe aussi, j'étais hors timing, enfin, du coup ça m'a fait sortir énormément de volants, je lui ai donné beaucoup de points et donc après on engrange la machine et je suis en panique tout le match, enfin, c'est vraiment quelque chose de difficile et c'est plus le fait d'avoir joué un mec peut-être sûrement beaucoup moins fort, enfin beaucoup moins fort, moins fort que moi, d'avoir l'enjeu de la médaille aussi, de savoir que ok, putain, t'as battu et t'as joué un mec du top 20 qui faisait des bons résultats avant. Je joue un niveau qui était top 20 et tu comprends pas, 2 jours après, tu joues un niveau top 80. Quoi. C'est aussi un peu ce sentiment de plus avoir le contrôle un peu et de pas comprendre pourquoi tu joues un niveau qui est beaucoup plus faible que le tien. Même dans tes mauvais jours, d'habitude, tu joues quand même un niveau qui est top 50 quoi, si tu joues mal. Donc... Okay. C'est plus ce sentiment d'avoir une perte de contrôle et les émotions qui prennent le dessus. Enfin, t'as une douleur dans la poitrine forte. Enfin, tout est réuni pour faire un match de merde, quoi. Juste pour conclure, évidemment, c'est incomparable, mais imaginons, vous battez la tête de série numéro 1 de votre tableau. Ça m'est jamais arrivé. Mais, mais je pense qu'on a tous déjà eu ce moment où bah, tu pars sur le tournoi, t'es 12e sur 12. T'arrives dans la poule 1, tu bats la tête de série 1, tu sors du coup tête de série 1 sur les tableaux finales. Difficile à aborder ou pas? Est-ce que vous avez en tête que vous êtes tête de série 1 à ce moment-là ou vous vous dites j'ai battu la tête de série 1, maintenant je vais au bout? C'est une bonne question. je dirais à minima, t'es un peu galvanisé quand même. Tu dis ok, enfin après c'est je pense très lié, tout ce qu'on dit de toute façon c'est très lié à nous et à nos personnalités, mais... Je pense un minimum galvanisé, mais quand même, t'abordes le truc en disant « Ok, j'ai battu la tête de série 1. Maintenant, j'ai montré que je pouvais aller au bout. Il faut assumer et y aller. Ouais. » Forcément, tu rajoutes une pression entre guillemets négative de dire « Je l'ai battu, donc je dois justifier de l'avoir battu. » Ouais, ça fait pas rien, quoi. Bah ouais, je pense que peu importe le niveau, demain tu tapes Axel Sen au premier tour de l'Indonesia Open. T'es plus le même après, quoi. Et souvent, d'ailleurs, j'en ai pas en tête là, mais Pranoy au Mondiaux. Ou un Wang Sui à l'Open de France. Aussi, ouais, bah, tu tapes Axel Sen ou peu importe, un des 3 meilleurs joueurs mondiaux. Le tour d'après, souvent, t'as une chute contre un joueur bien moins bon. Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, pour revenir sur ta question, moi je suis pareil, ça me met un petit peu de pression, mais après, moi la pression, j'apprends plutôt positivement en général. J'aime bien justement avoir des matchs ouais. en jeu. Ouais, donc, si tu aimais bien les matchs en jeu. Ouais, tant mieux. Donc, moi aussi, je les aime bien, mais ouais. Des fois. Bon, après, ça m'arrive de faire des matchs de merde. Hein. Bah, moi, du coup, pour conclure, c'était un tournoi, j'en ai parlé longtemps de ce match-là, mais contre Johan du club. Oui. Où en gros tout le monde me voyait perdant, je prends 9 au premier, il y avait tous mes potes au niveau de la vitre, j'étais là en mode bon bah ok, j'ai pris 9, j'avais aucune solution. Ah, et ils sont partis, et il restait plus qu'Alexandre Martin dans la pièce, Alexandre Martin qui est mon meilleur pote, et qui avec qui je fais tout dans le bad, je le suis partout, etc. Et en fait je me suis dit mais je prends 21-9, j'ai dit toute la journée que si je le rencontrais j'allais perdre, c'est peut-être le moment où, vas-y, il faut que je me lâche. Et du coup, je finis par gagner 19 au deuxième et 16 au troisième. Et après, j'ai déroulé. Et je pense que mentalement, j'étais à mon pic à ce moment-là. Le deuxième match, j'ai affronté un autre mec qui était vraiment très fort et qui avait battu des mecs forts avant, 2-7, et c'était assez clean. Et le dernier match final, du coup, le gars en face de moi a deux volants de match au deuxième. Et je sais pas, mentalement, j'y pensais même pas, en fait. Et je finis par gagner le match. Et ouais, là... Un peu dans un état de flow, un peu. Ouais, enfin, exactement. Un peu la zone. Le flow, quoi. La zone, ouais. Bah là, clairement, pour le coup, j'y étais. Genre, c'était le tournoi où... Je pense qu'après la victoire en quart, j'avais plus rien qui pouvait m'arriver. Ouais, ça arrive. Hein, c'est sympa arrive. Comme sensation. Non, ouais, c'est la meilleure des sensations et en même temps, c'est pas une sensation en fait. Genre, on est là, mais en fait, les choses se passent, mais tu te rends pas compte des choses, quoi. Donc, c'est plus. C'est ça, c'est un feeling, mais en même temps, tout est un peu vague, tout est un peu. Mais tout se passe correctement en fait. Donc, c'est ça qui est vraiment. C'est magique. Ouais, c'est ça. Bon, et bah écoutez, merci beaucoup, merci Alex d'être venu. Voilà, ouais, on rappelle, donc c'est... Bah, pas de problème, merci beaucoup. Donc on le rappelle, pour le coup, c'était le premier épisode de cette série. Parce que nous, du coup, sur Parlons Bad, en tout cas, on va continuer avec des joueurs. On l'avait annoncé précédemment. On a la chance d'avoir eu Alex Lani comme premier invité. Je m'y attendais pas, mais c'est trop cool. On était du coup avec Tony Manchattel, qui est du coup le podcast qui parle d'actualité. Si vous voulez, moi je vous conseille de vous présenter un peu votre podcast parce que je pense qu'il y a nos auditeurs qui peuvent être intéressés. Ouais, je pense qu'il y a certains de nos auditeurs qui sont en commun. Je pense qu'on se complète un peu nos deux podcasts parce que nous on parle d'actu, d'histoire de notre sport, là où vous êtes plus sur le développement, je veux pas dire des conneries, mais vous êtes plus sur le développement du joueur, carrément plus le jeu en ouais, fait. Tout à fait. Et ouais, voilà, on parle d'histoire, on sort un épisode chaque semaine, on parle d'histoire, d'actu, de top 12, on fait des interviews aussi. Et vous aviez pas si je dis pas de bêtises, Corvée. On a reçu Ronan il n'y a pas très longtemps. Dans la barre, c'est ça. Et je pense qu'on peut le dire parce qu'on l'a annoncé dans un épisode, mais on a reçu Julien Caragui, okay, qui va aller au jeu. Et on essaie de sortir des épisodes avec des joueurs qui vont aller au jeu et pas que. Donc voilà. Très bien. Et un débrief du Nantes International complet qui sera dispo sur toutes les plateformes aussi. En tout cas, moi, je vous conseille, j'écoute le podcast. Merci. Voilà, donc pour ceux qui nous rejoigneraient sur Parlons Bad. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on sort un épisode toutes les deux semaines où on aborde du coup sous forme de match, donc de 3-7, on fait 3 questions. Voilà, donc on aborde en général, on fait ça beaucoup plus large que le jeu pur. Mm. C'est tout ce qui entoure le jeu aussi. Donc comment mieux dormir, on avait des épisodes comme ça, comment mieux dormir, comment est-ce qu'on prépare un tournoi, etc. Et en fait, du coup, bah, l'idée, c'est d'avoir trois points de vue, donc moi en tant que joueur départemental, bientôt région, mais ça on verra l'année prochaine, mais départemental régional, Mathéo qui joue en National 3 avec un niveau N, et Alexis qui du coup joue, qui n'est pas là malheureusement, qui va avoir sans doute un peu la rage de ne pas avoir été là, ouais, parce que je pense mal. qu'il aurait bien aimé discuter avec toi. Ouais, mais je le compte mon frère en plus. C'est vrai, un petit ouais. Tu veux le dire de qu'il a perdu contre ton frère? Ouais, mais je crois qu'il l'a déjà battu aussi. Hein. Oui, il me semble qu'Alexis a déjà perdu contre Théo. Je sais pas si je l'ai déjà joué, Alexis d'ailleurs. Mais voilà. Je crois pas, il est pas de la même. Enfin, il est un peu vieux. Enfin, je veux dire vieux. 55 ans, le mec. Je viens de tirer sur les 25 ans, fais chier. Bah écoute, merci beaucoup, merci à tous d'avoir été là. Voilà, petit épisode du coup qui s'est déroulé au sein de la trocardière du Nantes International Challenge. Merci ouais. beaucoup Alex d'avoir été là. Merci, c'était un plaisir. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci beaucoup à Alex pour sa disponibilité et un immense merci à Parlons Bad pour l'organisation de cette interview. Si cet épisode vous a donné envie de les découvrir, le lien de leur Instagram et de leur Spotify sont à retrouver dans la description. N'hésitez pas à nous faire de retour sur cet épisode et à nous dire si une autre collaboration avec Parlons Bad vous intéresserait. Nous, on se retrouve lundi pour une autre interview, celle de Julien Caragui, joueur belge membre du top 50 mondial en simple homme et qualifié pour les Jeux Olympiques. On espère que ça vous plaira aussi. À la prochaine!绽放我们激情的节奏，把那束缚抛开的时候，共同感受这片天空带给我们的自由。挥动你我坚强的双手，努力奔向成功的尽头。我们的梦握在手中，绝不等候。Thank you.